Les délégués sont arrivés le 12 à Pyongyang pour les festivités consacrées au 105e anniversaire de naissance du président Kim Il-sung. Ils sont accueillis à la gare de Pyongyang par Kim Pyong-un, Oh Soo-yong et Kwak Pong-gi, tous vice-présidents du comité central du Parti du Travail de Corée, et les cadres responsables des organismes du parti et des forces armées.